Section 82 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 19, deuxième partie. Les premières années de Timur. Suite. Par Léon Kaoun. Timur, libérateur de la Transoxiane. Maître d'une province, sûr désormais d'un point d'appui, Timur revint à son projet, la conquête de la Transoxiane, la libération du sol national. Je montai à cheval suivi de 40 cavaliers seulement, mais tous gentilshommes, fils de gentilshommes ou de princes. Tout est prêt. Les conjurés arrivent, les uns après les autres. Et le bon Timur leur donne l'accolade, leur distribue tout ce qu'il a sur lui, à Toukluk Barlas, son chaperon, à son oncle Seyd Eddin, son ceinturon, bien précieux par le travail d'orfèvrerie, à un autre sa cotte d'armes. C'est une allégresse générale. Nous nous attendrissions ensemble, nous fîmes la prière en commun à l'heure ordinaire. Au camp, je tins audience ouverte et je donnai une fête. Le lendemain, un routier déserteur qui avait quitté Timur pour tenter la fortune dans l'Inde, Shir Berham, Lyon-Mars, vint tout penaud et l'oreille basse demander du service. Je le traitai avec tant de courtoisie qu'il en oublia sa honte. On ne voit pas en quoi cet asiatique musulman diffère par l'action, la conduite, les allures, d'un Galéas ou d'un Sforza, ou de tout autre condottiere italien, ou même de tout autre prince catholique d'Occident, voulant fonder un royaume au XVe siècle. Les sentiments, la morale, la politique sont les mêmes, à cette époque, en terre chrétienne et en pays d'islam. C'est au XVIe siècle seulement qu'on les voit se modifier en sens divergent. Contre Ilyas Kodja, qui venait de succéder en Transoxiane à son père Toukluk, Timur mène la guerre à la façon dont Bertrand du Guesclin ou Richemont la menait contre les Anglais. En bataillant, il négocie, il gouverne avec les mêmes principes, les mêmes règles, les mêmes instruments que notre Charles VII ou notre Louis XI. Il était dur à la manière d'un capitaine décorcheur, mais point cruel comme on l'imagine. Ce sont les récits haineux des vaincus, les Osmanlis, les Persans, les Tatars du Kipchak, les Arabes et l'optique trouble du lointain qui nous l'ont déformé en tyran furieux. Sincèrement dévot, il s'était trop servi de la religion pour être bigot ou fanatique. Avec des goûts de faste et de représentation, il savait trop bien compter pour fouler ses peuples et risquer la ruine de son domaine. Raisonnable en beaucoup de choses, il fut, par-dessus tout, parfait gentilhomme. Aucune de ses actions n'a jamais trahi l'outrance d'un parvenu. Il aimait le terroir. Il aurait bien voulu mettre dans son marquisat de Kek le centre de l'Empire, et dans Kek la capitale de celui-ci. Ses peuples firent grise mine au projet. L'Église insinua qu'il y avait manière à remontrance. Il céda galamment, laissa Kek et adopta Samarcande. De 1363 jusqu'à 1369, Timur lutte contre les Jakataïdes des Marches pour affranchir la Transoxiane, contre les Iraniens du Khorasan pour lui assurer ses limites nationales, contre les Apanagés et les grands vassaux pour lui donner l'unité politique. Rien ne ressemble moins aux grands chocs anonymes à la Mongole que cette suite de petites guerres, toutes personnelles. De part et d'autre, tout le monde se connaît. Ce sont des guerres à la façon de celles entre Français et Anglo-Bourguignons au XVe siècle, des guerres de religion, de celles de la Ligue, de la Fronde. Beaucoup de bravoure personnelle, des habiletés tactiques et point du tout de stratégie. Personne n'a la conception ou la puissance de ces coups d'assommoir qui mettent l'ennemi hors de cause, comme autant de djébés et de sous-bouteilles. De tels coups, on ne les reverra plus en Asie. L'objectif des entreprises varie sans cesse et les procédés s'y accommodent. Tantôt il s'agit simplement de prendre un château, tantôt de défaire une troupe, tantôt de cantonner dans une province. À la première piqûre d'amour-propre, les chefs combattent de leur personne. L'empereur inflexible eût été scandalisé de voir un roi grimper de nuit aux gouttières pour enlever une bicoque, comme fit Timour à la prise de Karchi. Décidément, c'est fini. Bien fini. Les Turcs sont affranchis du vieux génie chinois. Ils ont oublié les rites. Ils sont devenus des Sifans, des barbares du Ponant. Lutte contre les apanagés et les grands vassaux. 3 ans de guerre incessante avaient chassé les gens des marches au-delà du Sir Daria. Les Djagataïdes ne tenaient plus que le Turkestan et le pays d'Al-Malik. Pour arriver à ce résultat, Timour avait dû faire bien des concessions. À son beau-frère Hussein, le petit-fils de l'émir Kasgan, il avait dû donner la Transoxiane en apanage, se réservant à lui ses fiefs héréditaires de Kek et d'Ankoï. Avec les provinces qu'il avait conquises en Khorasan oriental et en Afghanistan, et qui représentaient une propriété personnelle prise par l'épée. Fort habilement, il ne touchait pas lui-même à Bokhara, à Samarcande, au domaine héréditaire des Djagataïdes. Il maintenait ceci comme prince légitime, plaçant simplement à côté d'eux le petit-fils du faiseur de roi comme leur lieutenant général et fondé de pouvoir. Timour, pourtant, se défiait de son beau-frère. Il le compromettait publiquement par un engagement religieux. « Je n'avais aucune confiance en lui. Je le conduisis au tombeau de Saint Shems ed-Din. Là, nous nous jurâmes amitié mutuelle. Il déclara qu'il ne romprait jamais ses engagements. Il jura 3 fois sur le Saint-Livre. Plus tard, il s'est parjuré. C'est son parjure qui me l'a livré. » Les grands vassaux avaient eu toutes les exigences et les chefs militaires, toutes les avidités. 7 bannières ou fiefs à Sheikh Mehmed, une province à l'insatiable Shir Behram. Je les comblais de présents et de largesses. Je leur distribuais les gouvernements de province, mais pour les tenir entre la crainte et l'espérance, j'adjoignis à chacun d'eux un lieutenant. Caressés, choyés, gorgés, les grands vassaux se croyaient les maîtres. Timour laissa venir. Par ses espions, il les surveillait tous. Il n'y avait pas un moine, pas un clerc, depuis l'Amou jusqu'au Sire, qui n'espionna pour lui. Par ses soudards, il avait des intelligences parmi tous les gendarmes, même ceux de l'adversaire. La féodalité avide et indisciplinée qui se groupait autour de Hussein força-t-elle la main à cet imbécile, ou Timour l'amena-t-il, lui-même, doucement, à se donner tous les torts? Il l'avoue presque. « Il n'y a pas de vexation qu'il n'ait exercée contre madame sa sœur, ma femme. Il ne pensa jamais qu'à ma ruine et me força de travailler à la sienne. » Au fond, pour Timour, Hussein n'était que le porte-nom des vassaux. Hussein rompit le premier. « Il était mon parent, il ne put jamais être mon ami. Il osa envahir sur mes domaines la province de Balkh et Hissar Shadouman. À la fin, je résolus de le réduire avec l'épée. » Cette fois, Timour prenait la féodalité en flagrant délit. Il l'écrasa jusqu'à la prosterner à genoux devant lui. Ouvertement, l'Église se déclara. Elle avait excommunié les Ouzbegs comme pouvoir anonyme, sans poser de candidature ni désigner de successeur aux Djagataïdes, ménageant le loyalisme turc. En face de Hussein et de ses vassaux, elle montra du doigt le sauveur et l'élu, présenta Timour au peuple. Ce fut un moine Nakishbend, un cordelier, qui se mit à l'avant-garde, avant la levée générale des frocs, en attendant la consultation des légistes et les décrets des prélats. Le père Ali Shah me dit « Oh, Timour, le Très-Haut a révélé que s'il y avait 2 souverains dans le ciel ou sur la terre, l'ordre de l'univers serait renversé. » Les paroles de ce pieux religieux m'affermirent dans ma résolution. Je pris augure dans le Saint-Livre. Je tombai sur ce verset. Nous t'avons établi notre vicaire sur la terre. Cependant, l'ardent Timour, le ferrailleur qui, dans sa dernière bataille contre le sultan Ilyas, avait tout renversé devant lui pour rejoindre le souverain en fuite et le forcer au périlleux honneur de croiser le sabre avec lui, savait se contenir en face de Hussein et de ses vassaux. Il les battait, mais avec ménagement, sans daigner les appeler à un de ces duels qu'il aimait tant. Quatre fois Hussein s'était soumis, à grand renfort de serbants. Timour prétend qu'à sa dernière trahison, avant de tendre le guet-apens, Hussein lui avait envoyé un Coran, sur lequel il avait écrit « Mon cœur ne s'ouvre plus qu'à l'amitié et à la tendresse fraternelle ». En se rendant crânement au rendez-vous, Timour avait pris ses précautions. Le guet-apens manqua. Shir Behram, quoique passé au service de Hussein, dénonça le coup à Timour. Hussein, enragé, fit bêtement couper la tête à cet homme de qualité, achevant ainsi d'exaspérer sa noblesse et de la jeter dans les bras de Timour. L'affaire finit à la gloire des Timouriens par quelques beaux coups d'épée. Timour proclamé roi de Transoxiane. Le 10 Ramazan 771, 8 avril 1369, à Balkh, Bactresse, Timour fut élevé sur le feutre blanc, proclamé roi de Transoxiane dans les anciennes formes turques avec l'ancien cérémonial. Hussein s'était rendu à Mercy, ne demandant que la vie, pour dorénavant se rendre pèlerin en la Kaaba de la Mecque et de ses larmes et prières laver le livre de ses péchés. Le dévot Timour ne pouvait manquer de déférer à un vœu si pieusement exprimé par son beau-frère repentant. Il lui accorda son congé. Malheureusement, des seigneurs que Hussein avait jadis offensés le guettèrent, le tirèrent d'un donjon où il s'était réfugié et félonnement lui coupèrent la gorge. « Il subit sa destinée, » écrit Timour. Après le meurtre, aucun de ceux qui avaient trahi Hussein ne fut inquiété. Avec sa souplesse de casuiste, Timour, en se faisant proclamer à Balkh, qui n'appartenait pas au sultan de Djagataï, évitait de choquer le formalisme turc. Après Ilyas Kodja, mort en 1362, il avait officiellement reconnu la souveraineté d'un autre Djagataïde, d'un roi de paille, Kaboul Shah. Il n'était que son agent exécutif en Transoxiane, son très humble serviteur, mais aussi le serviteur de Dieu. La situation était ambiguë. Le révérend père Ali Shah avait déjà déclaré qu'on ne pouvait servir deux maîtres à la fois, qu'il ne pouvait y avoir qu'un vicaire légitime du Très-Haut. Rupture avec le Yassak au nom de l'orthodoxie. L'Église se chargea de résoudre le cas. Elle se souvint, sans peine, que depuis 10 ans, les gens des marches étaient excommuniés. D'abord, Timour donna des gages. « Lorsque j'eus promulgué mes règlements sur la religion, lorsque j'eus rétabli la loi dans les villes de l'islam, les docteurs de l'islam rendirent ce bref en ma faveur. Dans chaque siècle, le Très-Haut a suscité un défenseur et propagateur de la religion de l'apôtre Mohammed. Dans ce 8e siècle de l'Égire, Timour, possesseur de la Sainte Écriture, chevalier au temporel, doit être regardé comme le restaurateur de la foi. J'envoyai l'original de cette lettre à mon pire, qui apostilla en marge. L'émir Timour saura que c'est une grâce singulière et un don inestimable que le Très-Haut vient de lui accorder, en lui confiant l'œuvre du rétablissement de la religion, qu'il magnifie afin d'être magnifié. En un instant, ce modeste Timour qui ne s'arroge ni titre ni prérogative, qui fait battre monnaie et prier dans les églises au nom du souverain qu'il a mis à l'écart, change tout dans l'État. Il remplace la tradition turque et mongole par la tradition islamique, remaniée à son goût. Il substitue au droit souverain, Yassak, et au droit coutumier, Edeb, un nouveau droit souverain, Tezuk, et le droit religieux, Shériat. Système de gouvernement de Timour, une théocratie. Dans l'ancien droit turc et mongol, tel que l'a formulé le Yassak de l'empereur inflexible, le souverain est responsable, lié par la loi civile. Il s'assemble une fois par an. Si le sultan n'a pas jugé conformément aux prescriptions du Yasak, il le dépose, le remplace par un autre prince de la maison de Genghis. Dans le droit nouveau, conforme au shériat, le souverain est délié de la loi civile et n'est responsable que devant Dieu et l'Église. La bulle de Mir Seyyid Sherif stipule expressément le contrat. Dans le 8e siècle, c'est l'émir Timur qui répand la religion dans les villes et parmi les tribus. Il honore et respecte les descendants du prophète et les docteurs en théologie. C'est avec leur consentement qu'il exerce l'autorité suprême dans le royaume des fidèles. À deux reprises, avant et après la bulle, Timur reconnaît ce contrat de la manière la plus formelle. « Je me proposais d'étendre la religion de Dieu et la loi de son apôtre, l'élu entre tous, et après l'investiture donnée par l'Église, je fondais ma puissance sur l'islamisme, sur la loi de la meilleure des créatures. Mes ordonnances et mes règlements eurent tant de pouvoir que je n'eus point de compétition dans le gouvernement. » La phrase est explicite. Plus de compétition, c'est-à-dire plus d'assemblée générale, plus de yassak, mais la volonté personnelle, irradée, de bon plaisir du prince, vicaire de Dieu en ce bas monde, avoué de son Église. Le dernier simulacre d'états généraux avait été tenu à Balkh pour proclamer Timur à la Turque. À Samarcande, il se fit sacrer à la musulmane. Dans la chapelle où l'on vénérait la tombe d'un arabe, conducteur des pèlerinages, un des premiers apôtres de l'islam en Transoxiane. C'est la dalle tombale de ce saint qui est la fameuse pierre de Timur. Le premier règlement que Timur met en tête de ses ordonnances est le partage de ses sujets en 12 classes. Dans sa répartition, les descendants du prophète, mis après les gens du commun chez les musulmans turcs du Xe siècle, passent au premier rang. La classe des gens de la maison du roi, ou Tarkans, qui est la première dans l'ancienne société turque et mongole, disparaît. C'est là qu'est la véritable révolution. Sous des formes turques, Timur détruit l'ancienne société turque et la remplace par un califat. La première largesse que Timur fit à l'Église fut tout simplement de lui octroyer l'administration de tous les anciens Tarkanliks, francs à l'eux, terre domaniale et terre sans maître, devenues d'un coup bien de main morte. Je choisis parmi les descendants du prophète un des plus distingués, à qui je donnais une entière autorité sur les musulmans. Il avait l'intendance des efkaves, bien de main morte, et nommait les administrateurs, au temporel, des mosquées. C'est encore lui, le sadre, qui dans les villes et les bourgs établissait le juge supérieur, le mufti, l'official, celui qui rend les décisions juridiques d'après le shériat, et les inspecteurs des marchés, prévôts chargés en outre des poids et mesures et contrôleurs des denrées. Il devait régler aussi les honoraires et les pensions des séides, des théologiens, des légistes et autres personnes de mérite. C'est la feuille des bénéfices. L'inquisition est établie. Dans chaque province, un docteur pour détourner les fidèles des choses défendues. Les missions sont fondées par l'État. Dans chaque ville, des religieux pour expliquer les principaux articles de la foi. Enfin, la justice civile est complètement confondue avec la religieuse. J'ordonnais que le sadre et le juge civil, Kadi, me rapportassent de toutes les affaires relatives à la religion. Comment des Turcs pouvaient-ils accepter un pareil régime? Timur le leur rendit tolérable en créant, en leur faveur, des droits d'exception, un statut personnel. Je nommais un cadi pour l'armée, un autre pour le peuple. J'établis en outre un chef de justice pour m'instruire des différends qui s'élevaient entre mes soldats ou mes autres sujets. C'est le cadi El Asker, cadi Ul Eshker, juge des soldats, que les sultans osmanlis furent obligés d'instituer à côté et hors du chariat. Pour soutenir un pareil régime, il fallait que tous les Turcs fussent soldats. Mais on ne pouvait les tenir tous sur le pied militaire en temps de paix. En temps de paix, on recourut à un autre expédient. On créa des colonies militaires de bergers, au hasard de la vaine pâture. Pour dédommager les Turcs qui n'étaient ni fonctionnaires, ni militaires soldés, de la perte de leur Tarkanlix, on les rendit aux facilités et à l'oisiveté de la vie nomade. Gardiens et usufruitiers du bétail de la couronne, on en fit des espèces de gauchos royaux. Dépossédés de la grande propriété territoriale par l'Église et par le souverain, qui la morcelle et la vend ou la loue au manor roturier, Starts, le petit gentilhomme turc qui n'a pas d'emploi aux armées ou à la cour, réduit à quelques méchants casals, prend le cheptel de la couronne et redevient nomade avec sa clientèle. Au temps de Timour, l'unité de la tribu, si durement brisée par l'empereur inflexible, se reconstitue. On va le trouver, jusqu'à nos jours, parmi les Kirghizes, parmi les Kipchaks, dans les confédérations différentes, des clans qui portent les mêmes vieux noms de Kanli, de Djelahir, de Kipchak, d'Arlad, de Mangout, de Keryat, de Naïman, etc. En langage administratif et constitutionnel, Timour appelle ses clans Oulous, en turc, peuple, lignée, tribu. Dans l'Oulous, pris d'une manière générale, Timour reconnaît 40 oumaks, clans, maisons, nobles, sur lesquels 12 reçoivent le privilège du tanga, sel. Je citerai Barlas, Tarkan, Argun, Djelahir, Mogolbay, Souldouz, Kipchak, Arlad, dont le lecteur a vu figurer le nom assez souvent dans le courant de cette histoire. Ce sont les grandes maisons turco-mongoles. Parmi elles, Timour donne à la seule maison de Barlas 4 marquisats et gouvernements et 100 compagnies de gendarmes. Les autres maisons, en dehors des 12 privilégiés, ne sont pas oubliées dans cette curée. Les 28 autres oumaks, qui n'avaient pas le tamga, furent nommés chefs de tribu, chargés, en temps de guerre et en tout service militaire, de me présenter le nombre des cavaliers prescrits par mes ordonnances. C'est notre banc et arrière-banc. Le vieux peuple turc, propriétaire de francs halleux, reîtres, gens libres, était réduit à la condition d'une noblesse de cour, sous laquelle vivait une clientèle de petits gentilshommes entourés de leur peuple d'éleveurs, d'entraîneurs et de jockeys. Les places révocables qu'il recevait en échange de ses droits ne valait pas la moindre des libertés qu'il avait la guerre rendue si fière et si hardie. Fin de la section 82.